pose, je viens. Je me retiens. Je t'aime, je t'aime. Oui, je t'aime. Moi non plus. Oh mon amour, tu es la vague. Moi, l'île nue. Je viens entre tes reins. Je vais et je viens entre tes reins. Et je me tiens. Je veux et je...